بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف cette nuit, la nuit du 5 du mois de Dhul-Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série de cours sur le commentaire de cette poésie qui est appelé At-Ta'iyya, qui fut composé par Abu Ishaq Al-Ilbili, rahimahullahu ta'ala. On l'appelle aussi Manzumat Al-Ilbili, par rapport à celui qui l'a composé. On l'appelle aussi At-Ta'iyya. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle At-Ta'iyya? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on l'appelle At-Ta'iyya? Tadal Kamel? Parce qu'elle finit par la lettre. Chaque vers de poésie finit par la lettre. Ahsant. Parce qu'elle finit par la lettre ta. Quand vous voyez une poésie qu'on appelle At-Ta'iyya, car elle finit par la lettre ta. Tafuttu fu'adaka al-ayyam fatta ta. Comme cela, une poésie lorsqu'on l'appelle al-lamiyya, car elle se termine par la lettre lam. De même que an-nuniyya par la lettre nun. De même que al-ha'iyya par la lettre ha, etc. Ici, en introduction pour le premier cours, donc comme j'ai l'habitude de faire, lorsqu'on commence un nouveau cours, j'explique la voie que je vais emprunter, la méthodologie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre, qui est en l'occurrence ici une poésie. Ici, bien sûr, comme je l'ai dit avant la prière, c'est une poésie que j'avais l'habitude d'enseigner depuis des années dans l'école dans laquelle j'enseignais au Caire en Égypte, Dar Abna al-Salaf, Dar al-Hadith bil-Qahira. Et j'ai écrit un léger commentaire de cette poésie au long de ces années, le long de ces années, lorsque j'ai enseigné cette poésie et lorsque nous l'avons étudiée aussi avec notre cheikh Abi Abdil Ala Khalid Uthman, hafidhahullah ta'ala. Au fur et à mesure que nous étudions la poésie, je ramenais à notre cheikh des parties de ce commentaire que j'ai écrit et je lui soumettais, et parfois il faisait des modifications et parfois, bien souvent, il l'utilisait pour son explication lui-même qu'il donnait dans certaines mosquées au Caire. Puis il valida, après les modifications que je fis dans le commentaire que j'ai écrit de cette poésie, pour que je l'enseigne à mes élèves, donc à Dar Abna al-Salaf. Fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, je vous donnerai les mêmes cours, ou presque les mêmes cours que je donnais à mes élèves à l'époque au Caire. Quand je dis presque les mêmes cours, car bien sûr, ceci, comme je l'ai dit avant la prière, est une poésie en arabe. Je ne vais pas chercher à la traduire, car j'ai peur que si j'essaye de la traduire, j'ai peur de dénaturer son sens. Car bien sûr, la poésie arabe a un certain goût et une certaine éloquence que je ne pense pas pouvoir retranscrire en ou au moins retranscrire une grande partie de cela en la traduisant en français. Donc, je la laisserai en arabe. Celui qui veut l'apprendre, comme je le dis pour l'ensemble des cours que nous donnons, comme dans l'Usul al-Thalatha, al-Qawaid al-Arba, etc., ce sont des mutounes, des livres, des épîtres de base qui sont importantes de mémoriser. Pour celui qui étudie la science, pour celui qui désire étudier la science, et cette poésie, comme je vous l'ai dit, c'est une poésie qui est concentrée sur le fait que Al-Ilbiri, rahimahullah ta'ala, dans cette dernière, enjoint à l'étude de la science, à la demande de la science. Il enjoint à cela et il enjoint aussi à se parer et s'orner des bons comportements, des comportements que notre religion nous enjoint à adopter. Donc il est bon pour chacun d'entre nous, sans aucun doute, que ce soit pour les étudiants en sciences ou autres, de l'apprendre par cœur ou au moins de bien la comprendre. Ici, la méthodologie que j'emprunterai, ce sera la même que j'empruntais dans mes cours que je donnais à l'époque au Caire, comme je vous l'ai dit, bien sûr, pratiquement la même, puisque c'était un cours que je donnais à la base en arabe, et comme ceci est une poésie arabe, comme je viens de vous le dire, par peur de dénaturer le sens, je ne vais pas la traduire. Donc on va laisser en arabe, et j'essaierai de vous éclaircir le sens de cette poésie. Ici, nous commencerons par dire que l'auteur de cette poésie, At-Ta'iyya, s'appelle Ibrahim ibn Mas'ud ibn Sa'd At-Tujibi Al-Ilbiri. Al-Ilbiri, qui est en appartenance à Ilbira. Ilbira, qui en espagnol se prononce Elvira. Ilbira, Elvira en espagnol, qui est une ville de Grenade, qu'on appelle en arabe Granada. Granada, c'est en espagnol Grenada, et c'est en français Grenade. Le royaume de Grenade, peut-être que vous avez entendu parler, on va venir à cela rapidement. Nous voyons que l'imam al-Hafidh al-Dahabi, dans son livre Tarikh al-Islam, donc l'histoire de l'islam, a dit à propos de lui, Abu Ishaq al-Tujibi, qui était, dans le sens de ses paroles, rahimahullah ta'ala, qui était un ascète, qui était connu comme al-Ilbiri, donc Abu Ishaq al-Tujibi, qui était un ascète, qui était connu par le surnom al-Ilbiri, donc en appartenance à cette ville, Ilbira. Donc en espagnol, Elvira. Il faisait partie des habitants de Granada, comme on a dit, de Grenade. Il a rapporté, c'est-à-dire le hadith, il rapporta la science de plusieurs parmi eux, de Abu Abdillah ibn Abi al-Zamanin. Ibn Abi al-Zamanin, il est très connu. C'était un des grands savants à cette époque-là, donc au 5e siècle de l'Égypte, puisque Abu Ishaq al-Ilbiri naquit en 375 et est mouru en 460 après l'Égypte, après l'Égypte de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre le 4e, il vécut entre le 4e et le 5e siècle de l'Égypte. À cette époque-là, un grand savant qui était connu pour sa fermeté dans la voie et son appartenance et sa fermeté, et au fait qu'il était accroché à la voie de nos pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih, Ridwanallahi alayhim ajma'in. Ce grand savant qui a un livre qui est connu, Ibn Abi Zamanin, qui a un livre qui est connu comme Usul al-Sunnah, qui est un livre qui est connu, que certains parmi nos savants ont expliqué, comme par exemple le Cheikh Zayd Ibn Muhammad al-Matkhali, rahimahullahu ta'ala. Puis Al-Dahabi nous dit qu'il était, donc Abu Ishaq al-Ilbiri, il était un poète, et il était quelqu'un, il était Mujawidan, c'est-à-dire qu'il psalmodiait le Coran, il était connu pour sa science dans la psalmodie du Coran. Et il donnait des exhortations, il était connu pour cela. Plusieurs personnes rapportèrent de lui, parmi eux Abdel Wahid ibn Isa, Omar ibn Khalaf, et eux deux venaient de cette province ou de cette ville de Ilbira, qui étaient des savants connus. Puis, il faut savoir que Al-Ilbiri vivait à l'époque du règne des Omeyyades d'Andalousie, puisque les Omeyyades à la base sont de la région de Cham. Puis, au moment où les Abbasides, Al-Abbasiyoun, ont pris le pouvoir, ils tuèrent les princes héritiers donc des Omeyyades, presque en totalité. Et parmi ceux qui leur ont échappé, il y avait Abdurrahman ibn Muawiyah, celui qui est surnommé Ad-Dakhil. On le surnommait aussi Saqr Quraysh. Saqr Quraysh. Saqr Quraysh qui veut dire en français le Saqr, c'est l'aigle ou là, le faucon. Ahsant. L'aigle, c'est Nisr. Le faucon de Quraysh. Donc il était surnommé Saqr Quraysh, le faucon de Quraysh, puisque les Omeyyades venaient de Quraysh, ça appartenait à la tribu de Quraysh, la même tribu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était appelé Ad-Dakhil car il était rentré en Andalousie. Au moment où il est rentré en Andalousie, on l'appelait Ad-Dakhil. Et Saqr Quraysh, puisque il fuit les Abbasiyoun, les Abbasides, lorsqu'il voulait le tuer, il les a fuis pendant 6 ans. Donc sa fuite dura pendant 6 ans, de la région de Cham jusqu'à l'Andalousie, jusqu'à ce qu'il rentra en Andalousie, donc Ad-Dakhil. Et on l'appelait, il était appelé Saqr Quraysh parce qu'il a réussi à fuir pendant toutes ces années. Alors que beaucoup voulaient sa mort, beaucoup qui étaient avec les Abbasides, qui n'en faisaient peut-être pas partie, mais qui étaient avec eux et qui cherchaient sa mort. Et pendant 6 ans, il fuit. Lui, ce dernier, donc Abdurrahman al-Dakhil, qui mourut en 172. Et il rentra en Andalousie en 138. Et il réussit à unifier les musulmans en Andalousie, et ceci devint le premier, la première daoula, donc le premier état des Omeyyades en Andalousie. Et donc, El-Ilbiri ici vivait, bien sûr, des années, des centaines d'années, comme vous avez vu après cela, mais toujours sous le règne dans cette province qui appartenait aux musulmans, l'Andalousie. Donc bien sûr, ici, ce que je vous ai évoqué, c'est par rapport à l'état des Omeyyades en Andalousie. Ça ne veut pas dire que l'Andalousie est devenue musulmane à ce moment-là. Plutôt, les musulmans sont rentrés avant cela en Andalousie. Mais ici, on parle de l'état des Omeyyades en Andalousie. Ici, c'était une petite aparté historique. Concernant cette poésie, At-Ta'iyya, il faut savoir que ce qui est connu chez les gens, c'est que cette poésie de l'Ilbiri At-Ta'iyya est connue comme étant des conseils, des recommandations qu'il fit à son fils qui s'appelait Abu Bakr. Et ceci n'est pas exact. Plutôt, cette poésie était destinée à un, était dirigée à un de ses compagnons qui, sûrement, ce que nous comprenons de certains passages de la poésie, était un de ses amis lorsqu'ils étaient jeunes. Ils étudiaient la science ensemble, ils étaient amis quand ils étaient jeunes, et il changea, donc son ami Abu Bakr, après avoir vieilli. Mais ce qui est connu, c'est que cette poésie est destinée à son fils Abu Bakr. Et nous comprenons de certains vers de cette poésie, comme le vers numéro 88 et après, comme le vers numéro 65 et autres, comme vous le verrez dans notre étude de la poésie, que ce n'était pas son fils. Ceci est très connu. Quand on parle du poème de l'Ilbiri, on dit que c'est la recommandation de l'Ilbiri à son fils Abu Bakr. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Plutôt, c'était pour un de ses amis qu'il avait lorsqu'il était jeune, et on le verra un peu plus tard. Bien sûr, cette personne, son ami, pourquoi est-ce qu'il écrivit El-Ilbiri cette poésie en recommandation pour lui? Car cette personne, Abu Bakr, commença à se révolter et manquer de respect à Abu Ishaq El-Ilbiri. Il commença à parler sur lui en mal, et pour cela, Abu Ishaq écrivit cette poésie, car comme vous l'avez su, comme l'a dit Ad-Dahabi, rahimahullah, il était un poète. Il écrivit cette poésie en conseil pour lui. Et vous verrez que dans cette poésie, il y a des conseils qui sont très doux envers cette personne. Et comme il l'évoque, cette personne, Abu Bakr, a été très dure envers lui. Et il a répondu à cette dureté par de la douceur, par des conseils pour le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme vous le verrez, et c'est une poésie qui est très belle et très bonne à étudier et à apprendre. Avant de commencer la première explication, sur comme je vous l'ai dit, on ne va pas durer, mais avant de commencer, il faut savoir que la poésie en arabe a des règles bien précises. La poésie en arabe a des règles bien précises. Vous comprendrez, lorsque je vais vous donner simplement quelques petits points concernant ces règles-là, vous comprendrez pourquoi je ne vais pas m'avancer à faire la traduction pour ne pas dénaturer le sens. Il faut savoir que shi'r, la poésie en arabe, a plusieurs schèmes, plusieurs schémas, comme on écrit une poésie. Ce qu'on appelle el-buhur, buhur al-shi'r, qui sont au nombre de 15. Le bahar dans lequel est écrit cette poésie, la poésie de El-Ilbiri, At-Ta'iyya, est le bahar qu'on appelle Wafir, bahar Wafir. Vous avez d'autres buhur comme Al-Rajaz, Al-Tawil, Al-Madid, etc. Il y en a 15. Celle-ci est écrite en bahar Wafir. Qu'est-ce que ça veut dire Shem, schéma, bahar? Ici, la poésie est écrite sur un certain schéma. Ce schéma, ce bahar Wafir, de base, puisqu'il y a plusieurs choses après qui peuvent varier selon les variantes de ce bahr, de ce shem, à la base, elle est la suivante. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'oulun. Tu prends ces mots-là et tu fais une analogie ou tu analyses les vers de poésie selon ces mots-là. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'oulun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'oulun, tafuttu fu'adaka al-ayyam fatta, etc. C'est une manière qu'ils ont les Arabes d'étudier et de mettre sous forme de règles cette science qui est la science de Ash-Shi'r. Et bien sûr, il y a plusieurs sciences qui sont accrochées, qui sont qui régissent cette science-là, la science de Ash-Shi'r, qui est la science de l'Aruz, la science de l'Qawafi, etc., etc. En arabe, on a toujours un vers qui est divisé en deux châtres. الشطر الأول والشطر الثاني. La première partie, le premier, la première partie du vers et la deuxième partie. Je crois qu'en français, ce que je viens de dire, donc ces chems de al-buhur, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'oulun, je crois, Allahu a'lam, que ça s'appelle des pieds, comme on dit les pieds d'un alexandrin, 12 pieds, etc. Allahu a'lam, donc je ne m'avance pas à traduire ces mots, qui sont des termes un peu techniques, simplement essayer de vous mettre en avant le fait que, comme les Arabes ont mis sous forme de règles, al-nahu, la grammaire, al-balagha, l'éloquence, al-sarf, ce qu'on pourrait traduire comme plus ou moins la conjugaison, etc. Eh bien, ils ont mis aussi cette science chère, la science de la manière d'écrire les poésies. Bien sûr, quand on parle en français de cette science-là, c'est vraiment pour vous rapprocher un petit peu, pour vous faire comprendre. Mais c'est très loin de ce qui en est lorsque on étudie cela en arabe. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs buhur qui sont des chems comme cela, comme on a al-rajaz, dans laquelle ce bahr, dans lequel est écrit beaucoup, beaucoup de poésie parmi les moutoun qu'apprennent les étudiants en sciences, qui était un schème très facile, al-rajaz, qui est mustaf'iloun, mustaf'iloun, mustaf'iloun, mustaf'iloun, mustaf'iloun, mustaf'iloun, etc. Al-kamil, al-madid, al-tawil, etc. Et bien sûr, donc on a le vers de poésie en entier, qui est divisé en deux, qui s'appelle un chatr et un chatr. On a aussi la fin de... du premier chatr qui s'appelle Arouz al-Bayt et la fin du deuxième qui s'appelle Darb al-Bayt. Mouhim, al-Bayt c'est le vers. Ça c'est pour que vous compreniez un petit peu pour les frères qui étudient que ce soit la langue arabe ou qui étudient la science en général. Barakallahu fikoum, c'est une science qui est difficile. Il y a très peu de gens. Quand je dis très peu de gens, je parle parmi. En général, c'est vraiment quelque chose de général. Ça demande de se spécialiser dans cette science-là. On a des règles et on étudie des choses de manière générale, mais il y a très peu de gens qui ont vraiment la science. De nos jours, je parle, alors que les Arabes avaient ça de manière, entre guillemets, ils avaient ce goût-là, ils avaient une manière un peu innée de composer une poésie, sans avoir à étudier comme nous étudions aujourd'hui. Ici, pour commencer, on terminera sur cela, je ferai l'explication des premiers vers. Il dit, Abu Ishaq al-Ilbiri, rahimahullahu ta'ala, « Tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta, wa tanhitu jismaka al-sa'atu nahta. » Ici, il y a plusieurs divergences dans la poésie. Parfois, vous aurez des mots qui ne se ressemblent pas. Parfois, j'évoquerai le mot lorsqu'il est dans certains manuscrits écrits d'une autre manière, et parfois, je ne l'évoquerai pas. Donc il dit تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر dans une autre version غدر ذات غدر أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتى تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. Vous verrez que l'explication ici, j'ai pris un petit peu de temps pour l'introduction, mais l'explication se fera assez rapidement. J'aurais besoin juste du mushaf en français, s'il vous plaît. Introduction des sens du verset, des versets du Coran. Ici, Abu Ishaq al-Ilbiri, rahimahullah, commença ses recommandations pour son ami Abu Bakr en lui faisant un rappel à propos de la mort, al-maut. Lorsqu'il dit « Tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka al-sa'atu nahta » Il parle de la mort ici. Il nous parle de la mort et il dit « وَتَدْعُوكَ الْمَنُونُ دُعَاءَ صِدْقٍ » C'est-à-dire que la mort t'appelle d'un appel réel. Il parle, il commence sa recommandation par le fait d'exhorter son ami en lui disant que la mort va te venir sans aucun doute. Jazakallah khair. La mort te viendra sans aucun doute. Elle arrivera sans aucun doute. Il lui dit « Elle t'appelle d'un appel véridique. »« أَلَا يَا صَاحِ أَنْتَ أُرِيدُ أَنْتَ » Et il dit, et la mort l'appelle, lui dit, « Oh mon compagnon, ya sahibi, anta uridu anta, c'est toi que je veux et pas quelqu'un d'autre. » C'est quelque chose de très éloquent qu'il utilisa comme manière d'interpeller son ami ici en retranscrivant les paroles de la mort à cette personne-là. Et bien sûr, nous voyons qu'il commença On va lui faire cette exhortation de la mort, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre Azza wa Jal, dans le sens de ses paroles. Il dit: toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta, nous enjoigna à aller visiter les morts, à visiter les cimetières. Visiter les morts, ce n'est pas à la manière de As-Soufiya et des gens égarés qui vont visiter des mausolées et les invoquent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous savez que ceci est de l'association du shirk. Ceci est interdit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta à visiter les cimetières, il nous donna l'explication de cela. Il nous dit: فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ. Car cette visite des cimetières vous rappelle l'au-delà. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ses paroles: tout ce qui est sur elle, la terre, est voué à disparaître. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. De même que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta en nous disant: aksiru min dhikri hadim al-ladhat, dans le sens approximatif de ces paroles: multipliez le rappel de celui qui anéantira les douceurs, les choses qui sont douces, c'est-à-dire la mort. Et ici, dans sa poésie, Al-Ilbir exhorta donc son ami Abu Bakr, comme vous le verrez un peu plus tard, en lui disant que, lorsqu'il lui dit Tafuttu fu'adak al-ayyam fatta wa tanhitu jismak as-sa'atu nahta, en lui disant que les années passent, et ces années, lorsqu'elles passent sur toi, elles dessinent ton corps et elles te font devenir faible, elles t'affaiblissent. Ceci, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, à quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Il lui fait ce rappel que les années et les heures passent et que ton corps, comme ton cœur, faiblissent au passage de ces années. Puis il lui dit, comme je vous ai dit, la mort t'appelle d'un appel véridique. Sans aucun doute, la mort te viendra. Ô mon compagnon, la mort t'appelle de cette manière. Lorsqu'elle vient pour toi, ô mon compagnon, c'est toi que je veux, pas quelqu'un d'autre. Puis il dit, l'irs, c'est la femme. Je te vois, tu aimes une femme. Cette femme que tu aimes, ya Aba Bakr, c'est ad-dunya, cette vie d'ici-bas, la vie mondaine. Je te vois aimer cette femme-là. Ceux qui sont intelligents, ils l'ont divorcée, cette femme-là. Les gens qui sont doués d'intelligence, cette femme-là, ils l'ont divorcée. Mais toi, je te vois que tu l'aimes encore, cette femme-là. Ad-dunya. Puis il dit, tanamu ad-dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idha mitta intabahta. Dans le sens, tu dors tout le temps et prends garde car tu dors et tu ronfles en dormant. C'est-à-dire, c'est une manière de lui dire que tu es noyé dans ton sommeil jusqu'à ronfler. Tu dors à point fermé, comme on dit. Jusqu'à ce que la mort te vienne et à ce moment-là, tu te réveilleras. Tu feras attention. Tu prendras garde. Mais pour l'instant, tu es noyé dans cette dunya, dans un sommeil qui fait que tu ne vois pas ce qui est important. Et ici, lorsqu'il dit « jusqu'à ce que la mort te vienne », tu te réveilles, tu fais attention, peut-être qu'il veut par cela, donc il veut par, bien sûr, le fait de dormir, comme je l'ai dit, l'insouciance, il est noyé dans l'insouciance, dans cette vie d'ici-bas. Et peut-être qu'il veut par cela, lorsqu'il dit que lorsque tu mourras, tu te réveilleras, il veut peut-être par cela un hadith, qui est un hadith qui est faux, un hadith qui est inventé, mais qui est connu, que beaucoup de gens de la masse répètent, qui est « An-nasu niyam fa idha matu intabahu ». Les gens sont endormis et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent ou lorsqu'ils meurent, ils prennent garde, ils font attention. Ceci est un hadith qui est faux, qui est inventé. Peut-être que celui qui a écrit cette poésie, Al-Ilbiri, voulait par ce vers ce hadith. Mais en tout cas, nous le remplacerons par un hadith qui est authentique, rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juge comme étant un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « An-naumu akhul maut, wa la yanamu ahlul jannah » Le sommeil est le frère de la mort. Et les gens du paradis ne dorment pas. Ceci est un hadith qui est authentique. Nous le remplacerons par cela pour expliquer cette partie de cette poésie. Non. Puis il parle le vers qui suit. فَكَمْذَا أَنْتَ مَخْدُوعٌ وَحَتَّى Il lui dit combien es-tu trompé par cette vie d'ici-bas. وَحَتَّى مَتَى لَا تَرَعَوِي عَنْهَا وَحَتَّى Il lui dit pourquoi tu ne t'arrêtes pas et tu sors et tu te réveilles de cette insouciance. Et je m'arrêterai ici pour ne pas trop durer. On a expliqué ici jusqu'au cinquième vers de cette poésie, qui est une poésie, comme vous l'avez vu, qui est très belle, qui est de 115 vers. Généralement, par cours, on essaiera de durer une vingtaine de minutes et on étudiera une petite dizaine de vers par cours. Là, j'ai tardé un petit peu avec la fatigue, comme vous le voyez, il est un petit peu tard, et aussi l'introduction à cette poésie. Mais les prochains cours, on les prendra bien plus rapidement. Et c'est un cours qui est important, duquel nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres par ces belles exhortations qu'a fait Al-Ilbiri à son ami Aba Bakr. Surtout après cette longue période où les mosquées ont été fermées, puis ont été réouvertes avec les distanciations, avec ceci, avec cela, l'absence des cours. Et alhamdoulilah, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala que dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, les meilleurs jours que nous pouvons trouver dans l'année, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, ces jours où l'œuvre pieuse et la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute que parmi les meilleures des œuvres, sans condition, l'apprentissage de la science, l'apprentissage du Coran, de la Sunna, de la science, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.